parler d'hockey mineur à Robertval, c'est la chronique avec notre président Hugo Mantet. Salut Hugo! Hugo, j'ai vu passer sur les médias sociaux des messages pour les équipes Saint-Pellette. Ça n'a pas été évident à faire. Finalement, vous avez trouvé une solution. Oui, on a réussi à... Ben, on a réussi. On est en train encore de travailler là-dessus, mais on est arrivé à des nombres qui n'étaient pas nécessairement cette année évidents. Okay. Donc, si je prends le Pioui cette année, au départ, on était juste 17 joueurs. Donc là... Ça fait toujours là, des équipes, là, ça faisait des équipes de 8 puis de 9, mais on sait sur l'autre bord que des équipes de 17, c'est pas mieux non plus. Là, les jeunes ne jouent pas, puis à la base, que ce soit dans le A ou que ce soit dans le B, ben, les jeunes dans le Saint-Pellette veulent s'amuser. Puis là, on a réussi là, à faire un petit quelque chose, puis arriver à 20 joueurs dans le Pibou pour faire au moins là, 10 joueurs plus un gardien de but par équipe. Donc dans, c'est le strict minimum. Il ne faut pas qu'il n'y ait trop de malades, puis... ou des gens qui, pour X raisons, viennent pas, ils se présentent pas au parti, mais on a décidé dans le Pioui, là, donc, de faire deux équipes, une dans l'A, puis une dans le B à 10 joueurs. Okay. Ça a contenté bien des parents, mais c'est comme on les a expliqué, vous êtes contents, mais maintenant, là, faut que vous organisiez pour que vos 10 joueurs, vos jeunes viennent jouer, parce que on peut pas, là, nous, là, hockey mineur, on passera pas, là, des fins de semaine à appeler pour essayer de trouver du monde ou à remettre des parties parce que là, tu ne tentes pas d'aller à Dolbo, mais ben, t'es 6 pour aller à Dolbo. Ouais. Donc, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, regarde, on le fait pour les jeunes, puis les jeunes, ben là, dans ce cas-là, vont jouer plus souvent. Dans le Bantam, c'était l'inverse. On a 30 joueurs et on fait deux équipes de 15. C'est pas l'idéal non plus, mais trois équipes de 10, ben c'est trop serré à commencer dans le Bantam. Là. Donc, il y en a qui commencent à travailler dans le Bantam, puis là, des équipes de 10. Étant donné qu'en plus, mon Pioui sont juste 10 par équipe, ben là, je vais avoir de la misère à avoir des joueurs affiliés. Et que là, sur l'autre côté, ben là, on est allé à l'inverse complètement. Fait qu'on est allé pour se remplir des équipes au bouchon. Puis dans le midget, on a décidé mercredi, mardi soir, là, d'y aller d'un midget up, d'un midget B, malgré le fait qu'on ait juste 25 joueurs pour 3 gardiens. Okay. Fait que là, ça fait des équipes de 12, là, dans le midget. C'est pas l'idéal avec des gars de 15, 16, 17 ans, mais sur l'autre bord, mon entraîneur, moi, du Midgeta, c'est le directeur des services des loisirs à Robertval, puis il est aussi directeur général adjoint à Ville, là, c'est ça qu'on disait. À 25, je peux pas en congédier ben non. 10 non plus. Ben non. C'est sûr que l'idéal, c'est faire une équipe de 15, là, ouais. Mais je veux dire, c'est pas le monde idéal non plus. Donc, on espère se trouver peut-être, là, on a quelques joueurs, on a plusieurs joueurs qui ont arrêté de jouer, là. Souvent, les 15 ans arrêtent de jouer parce qu'ils jouent comme des 16, 17 ans. C'est qu'on va essayer de s'en recruter, là, 3, là, ou à peu près pour faire des équipes de 14. Là, ça serait vraiment l'idéal. Okay. Mais sinon, bon, on va commencer. Et étant donné que dans le Bantam, bon, on a 15 par équipe, on va être capable d'avoir, dans ce côté-là, on va être capable d'avoir des joueurs affiliés. Fait qu'on va s'essayer comme ça. On a cette problématique-là. Saint-Félicien, lui, il y a une autre problématique. Saint-Félicien, il a 36 joueurs. Ah oui? OK. Trop. Fait que là, lui, Carl. Il est pogné sous l'autre bord à deux équipes de 18. Le monde ne veut pas jouer dans deux équipes. Mais est-ce que. Mais il ne devrait pas avoir une formule menée de ballotage. Ouais. Je le dis tout le temps, là. L'année passée, c'était Chipougamau qui avait le problème de Chipougamau et les ambassadeurs. Puis moi, j'avais amené ça comme solution, un genre de ballotage. Tu ne fais pas l'équipe à Saint-Félicien Toto, la possibilité de jouer pour Chipougamau. Ça devrait. Ouais. Il va falloir à un moment donné, là, même dans le Saint-Pellette, nous autres, quand... Parce qu'on sait que nous autres, dans le nez qu'on joue avec Robertval et Saint-Félicien, ben quand on fait nos équipes double lettre, on se ramasse que il y a des années où est-ce que c'est majoritairement une ville ou l'autre. Ouais. Quand c'est majoritairement une ville ou l'autre, ben dans la ville où est-ce qu'ils sont majoritaires, dans peu importe la catégorie, ça cause un problème au hockey mineur de cette ville-là. Je te donne l'exemple, le midget le Marco Spa, je pense qu'il y en a 10 de Robertval cette année. Ben, habituellement, on en a 4, là. Ouais. Fait que moi, si j'en ai 4 comme habituellement, ben, au lieu de passer à 24 joueurs, 25 joueurs, ben là, j'en ai 30, fait que j'ai mes deux équipes de 15. Puis Carl, habituellement, où il y a 10, 12 joueurs de Saint-Fé, là, il y en a moins, ça fait que là, il passe à 36. Si habituellement, c'était 6-là. Fait qu'on est en train de regarder, voir, à un moment donné, éventuellement, c'est sûr que c'est fait changer les mentalités, mais c'est pas la fin du monde, là, de regarder, puis peut-être dans le... des fois, comme dans le après ça, dans le A... Ben, fusionner Robertval et Saint-Félicien. Okay. puis organiser pour balancer nos équipes pour faire en sorte que on soit là. Moi ici, regarde, on a des problèmes, Saint-Félicien a des problèmes. Là, Saint-Félicien dans le midget à 36, Carl me disait, mais on va faire trois équipes de 12, comme toi, deux équipes de 12, mais tu sais, Carl était bien conscient que c'est pas l'idéal non plus faire trois équipes de 12 quand tu as 17 ouais. ans et tu travailles. Fait que là, on est poigné dans des problématiques de même. À le Bantam à Saint-Félicien sont juste 15. Moi, j'étais à 30. Là, j'ai fait deux équipes de 15. Lui, il en a fait une de 15. Mais lui, c'est du A et du B tout mélangé ensemble. Il a essayé de faire une alliance avec Dolbeau. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Dolbeau aussi, je pense, a cette problématique-là. Il va falloir tranquillement pas là-dessus et dire, regardez, là, même dans le simple lettre, là, ça pourrait arriver qu'on soit obligé de peut-être par mi-saison, ben dire cette équipe-là, jusqu'à Noël, elle joue à Saint-Félicien, puis après Noël, elle joue à Robertval, puis se changer des services, parce que ça commence à être de plus en plus difficile. Ben oui, c'est sûr. Parce que Chipougamau, je peux comprendre, parce que c'est quand même un bout d'ici, mais entre Saint-Félicien, Robertval et Dolbeau. C'est pas pire que le gars de Normandin qui va pratiquer à Dolbeau et vice-versa, tu sais, je veux dire. Les jeunes Normandins vont jouer à Dolbeau, les jeunes Dolbeau vont pratiquer et vont jouer à Normandin, puis ils s'échangent des joueurs de même dans le simple lettre. C'est même plus dans le double lettre à Saint-Adolbeau, c'est rendu dans le simple lettre. À un moment donné, il va falloir peut-être regarder ça et dire, regarde, c'est pas si pire que ça, là. Je le fais, moi, avec le Pioui 2C, puis regarde, on est à quoi? 15 minutes à peu près de Saint-Félicien au maximum. Ouais. Ça fait que c'est pas là, si dramatique que ça quand même. Ouais, ouais. Alors, on va parler, mais là, je veux revenir là-dessus. Mais là, c'est bien beau faire des équipes, mais est-ce que c'est sûr que le simple lettre, c'est pas comme le double lettre, mais les gars aiment gagner pareil, les jeunes aiment gagner pareil, donc ça sera pas trop compétitif non plus. Ben, c'est tout ça qu'il faut regarder. Ouais, hein? C'est en plein ça. Je veux dire, oui, on dit que le simple lettre, c'est pour s'amuser. Mais effectivement, dans tout sport que tu fais d'équipe de même, ben au bout de la ligne, on met pas l'emphase à 100% sa victoire, mais les jeunes veulent gagner quand même. Et quand tu compétitionnes pas, mais c'est là aussi que les jeunes veulent plus jouer, puis ils vont changer de sport, puis ils vont changer d'activité. Puis si t'es peu importe les hockey mineurs, quand t'as une saison, puis t'as 10 parties de jouer, puis t'es 0-10, puis t'as eu 10 défaites sévères, ben les jeunes disent, ben à cause que j'irais manger des volets au hockey. Je peux faire d'autres choses, je peux faire d'autres sports. Puis c'est effectivement le cas aussi où est-ce qu'on perd des jeunes parce que, bon, on a ce côté-là, là, où est-ce que même si c'est simple lettre, ben les jeunes veulent quand même gagner puis ils veulent pas manger des volets. Quand tu perds 3-2 tout le temps, c'est pas pire. Puis quand tu perds 7, 8, 9-0 à toutes les parties, fait que c'est ça qui est dangereux, puis c'est ça que ça fait également. Là, dans nos nombres d'équipes qu'on est pas beaucoup, ben ça arrive des fois où est-ce que là, où on est trop. Puis on est obligé de faire juste une équipe dans une catégorie, ben là, tu en as la moitié qui sont de calibre pour la moitié qui sont pas de calibre. Ouais. Fait que là, ça crée des disparités, ça crée du mécontentement, puis il y a des jeunes aussi après ça que dans les équipes, ben ça se le dit aussi, c'est pas fin, là, mais il y en a des équipes après ça qui le disent, ben toi, t'es un pas bon, puis ça crée d'autres... Ben, c'est des jeunes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se pencher éventuellement à ça, là, regarder, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le... OK. Atome 2C. Atome 2C, deux saisons commencent en fin de semaine. Okay. La saison de l'Atome 2C, comme le Pioui 2C, commence en fin de semaine. À Robertval, nous autres, par exemple, on est en congé en fin de semaine parce qu'il y a un nombre impair d'équipes. Donc, il y a 11 équipes dans la Ligue. Okay. Nous autres, les Sabres ne jouent pas en fin de semaine. On commence la semaine prochaine à Bécomo. Donc, on fait notre voyage tout de suite dans les pays. Sais-tu, des jeunes, parce que pour les jeunes, c'est quoi l'impact? Parce que l'Atome, là, c'est quand même, je ne sais pas, moi, c'est pas à côté, là. Ça a-tu un impact vraiment? Je sais que Midget, ils vont quand même, ils trouvent ça difficile. Du côté Atome, est-ce que c'est difficile aussi? Ça va être la première année qu'on va l'expérimenter. Okay. Moi, je vais l'expérimenter en même temps parce que mon garçon, justement, je suis dans l'Atome 2-6, ça fait qu'on doit monter sur la côte nord. C'est plus la logistique qui fait en sorte que ça va être... Les jeunes comme tel, eux autres, sont bien contents d'y aller. Puis, okay. On est obligé de partir de vendredi midi, puis ils vont manquer de l'école. Ouais. Eux autres, étant donné qu'ils sont jeunes, ça va bien. C'est des problèmes... On rencontre présentement des problèmes de logistique. Je te donne l'exemple suivant. Là, on va sur la côte nord, l'Atome 2C, le Pioui 2C. À la fin de semaine de l'Action de grâce, il y a zéro autobus voyageur. Okay. Parce qu'ils sont tous partis à New York. Fait que t'as pas d'autobus en région, puis en dehors de la région, pour aller sur la Côte-Nord. Fait que t'as deux choix, tu prends un autobus jaune pour aller sur la Côte-Nord, ben tu prends ton véhicule. Ouais. C'est des petites choses de même qui font que, tu sais, ça rend le voyage, là, tu sais, là, ben là, les gens disent, on prendra pas un autobus jaune, on n'est pas confortable, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Fait que là, ça oublie, c'est pas grave. Ça oblige les parents à dire, regarde, on va monter en voiture d'abord. Donc là, il y a du monde qui aime ça, puis il y a du monde qui aime pas ça. Là, ça crée un. Là, ça crée peut-être, dans certains cas, une frustration. T'as des parents qui sont monoparentales qui disent, ben moi, calvaire, où y a la chasse est ouverte, tu sais, s'il y avait eu un autobus, je me serais assis dans l'autobus, puis oui, je monte avec, mais ça finit là. Faut remonter avec l'homo. Fait que c'est sûr que ça a créé ce petit côté-là. Moi, j'ai un parent qui m'a justement parlé cette semaine, puis dit, ben regarde, si à toutes les années, ça fonctionne de même, la Ligue devrait réserver tout de suite l'année prochaine 4 autobus. Ouais. 2 pour la Tôme puis 2 pour le Pee-Wee pour l'année prochaine, parce qu'on sait qu'ils vont aller. Il y a quelqu'un qui va aller à Bécomo, cette île. C'est un 3 jours, puis c'est habituellement toujours le lac qui va sur la Côte-Nord. Mais c'est des petits irritants comme ça. Mais pour le reste, en tout cas, dans la Tôme, les parents n'ont pas parlé comme de quoi. Nous autres, ils ont pris ça comme étant un tournoi à l'extérieur. Fait que les parents n'ont pas trop. Ça n'a pas eu d'influence sur les budgets. Fait que les parents ont été. Ici à Robertval, ça n'a pas chiant. Okay, okay. Mais justement, tu parles de tournoi. Donc, la présence de Chipougamau et de Sept-Îles également. Sept-Îles, es-tu dans votre ligue aussi? OK. Oui. Oui. Ça, sur le budget de l'équipe, est-ce que ça vous fait couper un tournoi de plus? De moins, c'est-à-dire? Ben, ça fait couper. Ben, ça l'enlève. S'il y a des équipes, par exemple, qui voulaient aller deux fois à l'extérieur, ben, c'est sûr que ça vient de couper un deuxième tournoi. OK. Moi, à la base, à Robertval, dans la Tôme 2C, puis dans le Pee-Wee, c'est ce que les parents avaient dit. C'est si on, dans les rumeurs, ben, si on va pas à Bécomo, cette île, ben, dans la Tôme 2C, l'an passé, il avait fait deux tournois dans la région, puis deux tournois à l'extérieur. Il était prêt à faire ça. Mais l'organisation avait dit, ben, si on va à Bécomo, c'est un tournoi à l'extérieur, puis deux dans la région. Parce que là, avec Bécomo, on peut pas ressortir un autre fois à l'extérieur. Fait que ça l'a coupé un tournoi à l'extérieur, mais je veux dire, c'est pour les jeunes, d'aller à Bécomo, coucher à l'hôtel, c'est le même phénomène quand même qu'un tournoi à l'extérieur. Là, c'est peut-être pour les adultes que d'autres disent ça aurait été plus intéressant les magasins à Québec à être à Bécomo aussi. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça c'est un choix. Là. Mais oui, ça a cette répercussion-là sur les budgets. C'est okay. Parlons des Sables d'Orberval. C'est demain l'ouverture officielle contre les Épavines Normandes. Oui, c'est en plein ça demain soir, 21h. Donc, c'est la partie ouverture, là. Junior, donc tout le monde, on en entend parler, là, puis tout le monde j'ai l'impression que ça va remplir l'aréna. Puis aidant, ben c'est sûr que la semaine passée, là, ils ont gagné les deux premières parties sur la route dans le calendrier régulier. Donc, festival offensif à part de ça? J'ai l'impression que ça va être toujours des festivals offensifs. Jason, c'est ça qu'il dit. Présentement, là, je veux pas porter de jugement, mais je pense pas qu'il y ait de festival défensif à Robert. Alors, Jason, il a dit. Ils vont gagner, ben ils vont perdre, mais peu importe le score, ça va être des. Ils ont gagné 10 à 9 dimanche, ben ils auraient pu perdre 10 à 9. Ça va être d'un bord ou de l'autre, mais il va se compter des buts à Robertval, ça c'est sûr. Ben effectivement. Donc Hugo, on surveille ça de près, puis on s'en parle le jeudi prochain. Oui. Voilà, c'est la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais.